ضعف الفراء في كل جملة مما يأتي الفعل يذهب المضارع بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Donc là, c'est le même exercice, sauf que là, on fait avec le مضارع, le présent. جملة الأولى. أحمد وإبراهيم يذهبان إلى المكتبة كل يوم. نعم. Donc Ahmed et Ibrahim vont à la bibliothèque tous les jours. Donc يذهبان. On a ajouté quoi? Le alif al-isnain et nun. Et ce nun, c'est quoi ce nun? Yadhabani. C'est quoi ce nun? Le nun. Yadhabani. Aïe, le nun, c'est quoi? C'est un site. C'est Aramataraf. C'est quoi? C'est le bouton nun. Aïe, c'est le bouton nun. Taïeb, donc tu rajoutes le alif al-isnain qui est le fa'il. Comme tu dis hum yadhabou, tu dis huma yadhabani. Donc le alif c'est le fa'il, c'est mudam et muttasil. Et le nun qui est après, yadhabani, c'est thubut nun, c'est le signe du raf, tout simplement. Comme yadhabuna ou comme tadhabina, c'est le même nun. Thaniyan. Aina tadhabani, ya waladani. Où allez-vous, ô les deux enfants? Donc là, apparemment, t'as dit tadhabani, c'est un touma en fait. Tadhabani, mukhatab, mufanna muzakkar. Naam. ثالثا الطالبتان الجديدتان تذهبان الى المصلى. نعم. Donc les deux nouvelles étudiantes vont à la salle de salat, pour la salat. Au lieu de salat. Donc تذهبان pareillement. Le tala c'est pourquoi? C'est parce que c'est le ghaib al muannath. Comme hier tu تذهب, bah tu dis pour les deux femmes تذهبان. Et là c'est pas مخاطب, c'est ghaib. رابعا متى تذهبان إلى الصيدلية يا أختان؟ نعم. Donc là c'est le مخاطب. Quand est-ce que vous allez aller à la pharmacie ou les deux sœurs? Donc تذهبان là c'est أنتما à deux femmes. أحسنت. رابعا ضعف الفراء في كل جملة مما يأتي فعل الأمر اذهب بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Donc là c'est la même chose sauf que là c'est avec le fil أمر l'impératif. Comme il se conjugue avec الألف الاثنين. تفضل الجملة الأولى. يا أخواني اذهبا إلى المسجد الآن. نعم. Ou les deux frères, allez au masjid maintenant. Donc اذهبا. Comme on aurait dit, ça avait été هم اذهبوا. Donc là, on a ajouté l'alif. اذهبا et أنتما. ثانيا. يا بنتان اذهبتا إلى مكتب إلى مكتب المديرة. خطأ. Non, اذهبا. أيوة. نعم. Il y a pas de تاء. Le تاء juste dans le ماضي. Donc vous les deux filles allez au bureau de la directrice. Donc izhaba pareil. Pour l'homme pour la femme, pour les deux tu vas dire izhaba. طيب. خامسا امام كل جملة مما يأتي في المضارع مرفوع اكمل به الجملة بعد تغيير ما يلزم. Donc devant chaque phrase, tu affirmes au présent مرفوع. Donc complète la phrase avec le changement qui en découle. طيب لي بتفهم كوا الفعل منصوب طيب يكون هذه كوا تكون علامة النصب dans ces verbes là افعل خمسة sont dans le nun tout simplement. Donc il dit ماذا يريد الطالبان الجديدان يريدان ان يذهبا الى المهجع الى المهجع. Donc que veulent les deux nouveaux étudiants? Ils veulent aller au dortoir. Donc à la base c'est yadhabani et là comme les mansoub à cause du an qui est devant, alors les mansoub wa alamat nasbihi hasf an-nun, on enlève le nun. Comme yadhabun, on enlève le nun, comme tadhhabin, on enlève le nun. Thaniyan. Yuridani an yal'aba kurat as-salla. Naam, ils veulent jouer au basket. Donc là pareil, à la base c'est yal'abani et là on enlève le nun parce qu'il y a un qui est venu devant. Les mansoub wa alamat nasbihi hasf an-nun. Thalithan. يريدان أن يشرب القهوة. نعم. Ils veulent boire du café ou le café. L'origine c'est يشربان et là il منصوب on enlève le nun. رابعا. يريدان أن يسمع الأخبار. Ils veulent écouter les informations. Donc là apparemment il est on enlève le nun parce qu'il est منصوب à cause du n. علامة نصبه حذف النون. خامسا. يريدان أن يجلس أمام المدرس. Ils veulent s'asseoir devant le professeur. نعم. Donc là, يجلسان, c'est l'origine. Et là, quand c'est le منصوب, يجلسا, son nom. أحسنت. سادسا.

Al-Yabani prend Alif Wallem et les Marlifa aussi. Salifan, Hati, Hati Daftaraka Al-Awwal, donne ton premier cahier. Donc là, le Na'at c'est Al-Awwal, il est Marlifa parce que Daftarak, il est Marlifa aussi car il est Moudaf, hein, Damir. طيب ثانيا عين النعت والمنعوت في كل مثال مما ياتي donc défini désigne le نعت et le منعوت dans les exemples parmi ceux qui sont exposés تفضل الجمله الاولى اريد ان اشرب ماء باردا يعني je voudrais boire de l'eau froide نعم باردا هو النعت المنعوت ماء احسنت ثانيا اقرا القران الكريم كل صباح يعني je lis le Coran tous les matins. نعم. الكريم هو النعت والقرآن هو المنعوت. أحسنت. أسكن في بيت جميل. يعني j'habite dans la maison de Jamil. لا. Du coup, c'est que tu n'as plus d'habit. أسكن في بيت جميل. نعم. يعني j'habite dans une belle maison. أحسنت. Jamil. J'ai cru que c'était un nom. En fait. Ouais, bah, Jamil, ça peut être un nom. Ça peut être correct, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent pas un Moudof ou Dofilé, ils veulent un Na'at ou un Manout. C'est pas faux le sens, le ma'ana. Non, il n'aura pas été faux, mais il était sorti de ce qu'eux ils voulaient, en fait. Naam. J'habite dans une belle maison. Naam. J'ai mis les Na'at, Obeit, Manout. Naam. Fi hayyina masjidun kabirun. Là, t'as oublié une phrase avant. Rabia. Là. Là, taktouba bil qalam al ahmari. Allez, n'écrivez pas avec le stylo rouge. C'est vous deux, en fait, non, précis. N'écrivez pas, non, pas vous deux. Al-Ahmar, ou Al-Na'at, Al-Qalam, ou Al-Man'out. Non. Fi hayyina masjidun kabir, lahu manaratani, jamilatan. Yani, dans notre quartier, il y a beaucoup de mosquées. Là, kabir, quoi. Ah, kabir. Non, il y a une grande mosquée. Non. Et il possède, hein, deux minarets. De belles minarets. De beaux minarets, c'est masculin. Voilà, de beaux minarets. Non. Ça dit ça ? Attends, il faudrait que j'aille d'abord. Ah ouais, fan. Kabir. Na'at, ou Masjid, Menhout. Ahsant. Jamilatan, Na'at, Na'an, ou Minaratan, Menhout. Ahsant. Aïn al-Mudarrisoun al-Judud. Al-Judud. Yani, où sont les nouveaux professeurs ? Al-Judud. Al-Na'at. Al-Mudarrisoun, Al-Man'out. Et là, comme tu vois, il n'est pas obligatoire que lorsque tu as par exemple un Jam Zakar Salim, que le Na'at soit comme lui. À partir du moment où c'est un Jam. Même si c'est un Jam Taxi avec un Jam Zakar Salim, c'est accepté. Fadbal, on va essayer. Hafiz tu suratayn et tawilatayn. J'ai mémorisé deux grandes surates. Non. Tawilatayn ou Al-Na'at, ou Al-Man'out, suratayn. هم رجال صالحون يعني ce sont des hommes pieux. نعم. صالحون نات رجال منعوت أين أخوك الصغير أين أخو où est ton frère ton petit frère الصغير هو النات وأخوه هو منعوت نعم ماذا قال لك أحمد أحمد الباكستاني Non, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit, yani, Ahmed le Pakistanais? Non. Le Pakistanais, le Na'at ou Ahmed le Man'out? Parfait. Akmil kulli jumlatin min ma yati bi na'atin munasibin. Wadbuthu. Donc tu mets un art qui correspond dans les trous et yani, mets-lui les harakats qui convient. Tadal jumal oula. Akeltu ta'aman ladidan wa sharabtu qahwatan qahwatan yani baridatan. On peut dire ça. Baridatan. Baridatan. Et quoi traduit? Yani, j'ai mangé de la nourriture délicieuse et j'ai bu un café froid. Meskin. Kawa barid. C'est pas facile. Fanyan. Aïna Tullab al-Judud. Yani, où sont les nouveaux élèves? Non. Li akhawani kabirani wa ukhtani sagirani. Non? Ukhtani. صغيرة ثاني. أيوة. نعم. يعني جي دو غران فرير و جي دو بيتيت سور. نعم. اشتريت قلمين مكسورتين مكسورين. ها؟ بتجيه صح؟ مكسورين ها؟ أيوة. يعني جي اشتي دو ستيلو كاسي. نعم. عندي ساعة جميلة يعني جي نبل مونتر. في الفصل مكاتب كثيرة. نعم. يعني dans la classe il y a beaucoup de bureaux. نعم. تلك السيارة جميلة للمدرس الجديد. نعم. يعني cette belle voiture appartient au nouveau professeur. نعم. أسكن في المهجع. هو خجر كمان. سبعينات. في المهجع أي نعم يكفي كيس كيش بقول جير. الجديد. نعم الجديد ما سبعة الجديد. يعني جبيد دون نوفل. في المهجع الأول. الأول نعم. جبيد دون نو دون دون الأولى. الأولى دكتور. Premier dortoir, on va dire. Mahajia, c'est pluriel. C'est ça ? Là, c'est le moufrad. Non, mais je te demande, Mahajia, c'est le moufrad. Ah, non. J'habite dans le premier dortoir. Aina Siyaratouk. Aina Siyaratouk, hein ? Mine couleur. Aina Siyaratouk, yani. El Azraq ? Là. Azraq, c'est Mouzakar. Ah ouais, bah oui, c'est Sierra tous les féminins. Azraqa. C'est quoi le féminin d'Azraq? Ah ouais, j'ai oublié les féminins. Les formes là. Azraqa, non. Comment tu dis? Azraqa. Azraqa, c'est ça? Azraqa. Azraqa. Non. Et une Sierra tout Azraqa. Et où est ta voiture verte? Là. Bleu. Non. Ibrahimo. Ibrahimo. Mais un pays. Mais un nasab. Lui, un pays. Un pays? Ah, oui. Non. Ibrahimo. Ibrahimo, le Pakistani. Un taliban jadid. Ou taliban qadim. Taliban. Mujtahid. Mujtahid. Yani Kislan. Qui me tourne. Vas-y, traduis. Yani. Ouais. Ibrahim le Pakistanais est un étudiant paresseux. Alhamdulillah, dire qu'on a terminé ce livre, alhamdulillah. Et pour clôturer, inchallah, on va juste faire un tour. Derrière l'arabe. Oh, tu peux le fermer, pas besoin. Voyez. Qui était le principal pli de ce kitab pour celui qui va apprendre et venir reconnaître les mots et leur statut dans les phrases. Donc on a appris déjà que l'irlobe, elle est de quelle catégorie? Quelles sont-elles, les quatre catégories? Les quatre catégories? Aïe, ouais. L'irlobe? Aïe, ouais. Parfois? Arraf, un arabe. Arraf, un nas, ou al-khaz, un yajar. Al-jar. Al-jazb. Al-jazb, arsant. Taïeb, Arraf, c'est quoi son signe d'origine? Maïa al-aramatou al-asliya? Al-aramatou al-asliya. Il y a Dhamma. Dhamma. Hachi, mathalan. Donne un exemple. De quoi de... Avec un... Moutada Khabar. Avec un Dhamma. Moutada Khabar. Yani... Al-Qalamu Maksour. Al-Qalamu Maksour. Qu'est-ce qui sort de l'origine? C'est quoi les autres signes du Raf? Autre que le Dhamma. Al-Dhamma du... Al-Waw. Al-Waw. Quand? Fi Jamal Mudhakkar Salim. Naam. Mathalan. ذهب المدرسون ايوه الفاعل مرفوع كواو également le waw quand est-ce qu'il est en amat raf الالف لا ها الواو الواو هذا هنا في الواو toujours dans le waw le waw il est en amat raf dans un autre truc aussi dans un truc في الاسماء اسماء وخمسة ايوه يعني جاء أبوك جاء أبوك نعم أبوك الفاعل المرفوع علامة رفعه الواو حسنت également il y a quoi comme signe du raf الألف الألف مثلا Mata. Mathalan. Dans quelle catégorie de nom il est le alif il est à l'entraf. Pendant qu'il prend la place du fail. Là je veux dire dans quel genre de nom. Dans quel genre de nom. Non. Vous avez appris là aujourd'hui. Non. Dans quel genre de nom. Par exemple, le waouh, il est Ranatorov dans quel genre de nom. Dans le Jamuzak al-Salim. Ou l'Asma al-Khamsa. Donc là, le Alif, dans quel genre de nom. Dans. Fil Asma al-Khamsa. Là. Araf. Araf. Ah ouais. Quand est-ce qu'il est Marfou ou bien Alif. C'est quoi les noms qui sont. Qui prennent le Alif. Fil Muthanna. Arsène. Hein, Fil Muthanna, Fakat. Ah ouais, Muthanna, le duel. Hatim Mithalan. Ja Talibani. Non, Ja Talibani, le Marfou. C'est un fail. Arsenta. Donc on en a vu 4. La Dhamma. Ah, la quatrième, vas-y. Ces 3-là, tu veux le citer, là, ils sont juste pour les noms. Taïeb. Pour les noms. À part la Dhamma, la Dhamma, elle est aussi pour les verbes. Et il y a un quatrième signe dans l'offre pour les verbes. Thubutunnun. Thubutunnun. Ça, c'est quand ça. Fi la fa'al khamsa. Aïe, ouais. تذهبون يذهبون تذهبين يذهبين تذهبين أحسنت. Ça se concerne le raf. Maintenant le nasb, c'est quoi son علامة الأصلية, son signe d'origine. الفتحة. الفتحة أحسنت. Et qu'est-ce qui sort de l'origine. Les signes qui font exception à la règle. La fatha c'est l'origine. Maintenant c'est quoi les autres signes qu'il a. Le nasb. Fijamal Mudakira. Salim, c'est quoi son علامة النصب. Alia. Alia. Niabatan. Non, Salim, Raïtul Muslimin. Et également, le Ya, il est quand. Jamuzakar Salim, et il y a un deuxième truc. Jamuzakar Salim. Wafi. Fi Asma. Non. Fi Muthanna. Muthanna. Raïtul Talibaini. Talibaini, non. Non. Taïeb. Également, parmi les signes du nasb, qu'est-ce qu'il y a encore. Qui sort de l'origine. Mathalan Mouanath Salim. Mouanath Salim. C'est quoi son signe de nasb. Jamal Mouanath Salim. Aïe, ouais. Comment le mansoub. Raïtou. El Muslimata. Comment tu dis. El Musli. Faut que je bois de l'eau, Akhi. Faut que je bois de l'eau. Te sauve pas. Oh non, sérieux, attends. Vas-y. Mansoud bi. Il kassera. Il kassera. Il y a bâtin en une fatha. Araïtou Muslimati. Naam. Également, parmi les choses qui remplacent la fatha, dans le nasb, qu'est-ce qu'il y a. Il y a l'alif. الالف احسنت في الاسماء الخمسه الاسماء الخمسه رايت اباك رايت اخاك احسنت واذا لي فيرب ثبوت حذف النون حذف النون دون الافعال الخمسه اون انلف النون تو كوم يبر لا فتحه دون لي تو سكي اوتر كو الافعال الخمسه يبر لا فتحه لن يذهب مثلا اي لوسكي لي افعال الخمسه اون انلف النون طيب باقي الجر سي كو العلامه الاصليه للجر. Le signe d'origine du verbe, la kasra. Allez, quelles sont les choses qui font exception à la règle. Il y a. Jamal Mudakir. Jamal Mudakir Salim. Ouais, c'est comment le majuro. C'est quoi le signe de son genre. C'est le ya, niabaten. Ah, sainte. Waidan, il y a un autre truc qui prend le ya. Deux autres trucs qui prennent le ya. Al-Asma al-Khamsa. Asma al-Khamsa. Salam tour à la Abika. Et un troisième. Et le troisième, c'est le Muthanna. Aïe, ouais. Salamtu ala Talibaini. Asante. Et il y a aussi la fatha, mais on n'a pas pris. Ça, c'est dans le ism, Mamoum Sarf. Et la fatha aussi, qui est en place de la kasra. Dans le ism, Mamoum. Par exemple, tu dis Salamtu ala Aishata. Tu dis pas Aishati. Non, c'est. Mamoum Sarf. Mamoum Sarf. Mais là, on n'a pas trop parlé dans le livre, donc. Inch'Allah, la baisse. Et pour finir, le jazm, c'est quoi son signe d'origine. Sukun. Sukun, Arsante. Et c'est quoi les choses qui font exception à la règle. Il a deux choses. Déjà le awalan. Il a deux choses. Hafnoun. Hafnoun. Ou les afal khamsa. Salam. Lam yadhabou. Et. Fi al mu'tal. Aïe, wal naqis. C'est quoi son signe? Le mu'tal. Al akhir. Haf al harf al illa. Aïe, ouais. On enlève le harf al illa. Tu dis lam yakoui. On enlève le ya de kawa yakoui. Lam yakoui. Donc voilà, le livre tourne autour de ça. Et aujourd'hui, on a terminé, bifalillah. Sallallahu ala nabina Muhammadin, wa ala ahli wa sahbihi, sallamat asliman kathira. Wa jazakallahu khair.